Ça pique, de Thierry Mulot, œuvre publiée sous licence Creative Commons, by NCND 3.0, en lecture libre sur atramenta.net. L'enregistrement est également sous licence CC by NCND 3.0. L'extrait musical de fin est tiré de Church Bells at Noon, From the Top of the Cathedral of Bern, de Felix Blum, sous Creative Commons 0, provient de freesound.org et a été ajouté avec l'aimable autorisation de l'auteur Thierry Mulot. Putain, ça pique! J'ai les mains en compote et les pieds, je ne vous explique pas. Je le retiens, l'autre crétin, avec ses idées à la con. T'as qu'à faire comme ci, t'as qu'à faire comme ça, et tu vas voir, on va tout déchirer. Quel con j'ai été. Putain, franchement, ça pique. Et les autres abrutis qui regardent, il n'y en a pas un qui viendrait m'aider. Je saigne, mais ce n'est pas le pire. Non, le pire, c'est que ça pique. Et pas qu'un peu. Qu'est-ce qui m'a pris par la tête le jour où j'ai dit oui à l'autre frappadingue? J'aurais dû voir que c'était un gros mytho. Je me suis fait rouler dans les grandes largeurs. Depuis 24 heures, j'en prends plein la tronche. Mais bizarrement, ce salopard est aux abonnés absents. Je n'en veux même pas au crétin qui m'a dénoncé. De toute façon, je savais qu'il allait le faire. Notre bande de potes, c'était le moins franc du collier. En parlant de potes, eux non plus n'ont pas l'air de se dépêcher de m'apporter leur soutien. Si seulement je pouvais dégager une main, ça me permettrait de me gratter. J'ai une saloperie de démangeaison dans le dos, j'ai bien essayé de me dandiner pour me frotter les omoplates sur le bois dur, mais ça pique encore plus. Quand je repense à tout ça, j'ai envie de me mettre des baffes. Mais dans ma situation, impossible. Marrant, ça tient. Faut pas que je rigole. Ça aussi, ça pique. Le mieux, c'est de ne pas bouger, respirer superficiellement. C'est légèrement moins insupportable. Bordel, qu'est-ce que je déguste! J'avais plutôt de bonnes idées, mais je savais plus ou moins consciemment qu'il valait mieux que je la ferme. L'époque actuelle n'est pas aux idées révolutionnaires, jusqu'à ce que l'autre escroc vienne me dire qu'il fallait que je m'exprime tout haut. Au début, je dois reconnaître que c'était plutôt grisant. Tous ces gens qui m'écoutaient, ça flattait mon ego, mais j'en ai peut-être trop fait. Poussé par l'autre, j'ai vu un peu grand. J'ai fini par attirer l'attention. Maintenant, sincèrement, je regrette. J'ai plein de fans, beaucoup sont là, mais personne pour me filer un coup de main. Je suis dégoûté, je suis le dindon de la farce. Si un jour on raconte mon histoire, il y en aura plein que ça va faire doucement marrer. Plus con que moi, tu meurs. À propos de mourir, si ça continue comme ça, je vais finir par y laisser ma peau, moi. J'ai soif, merde, j'ai soif. Le sang qui dégouline du front me coule sur les yeux, mais s'écarte ensuite pour descendre sur mes joues. Je tire la langue à droite et à gauche pour en lécher quelques gouttes. Je ne dois pas avoir l'air fin. Si un jour quelqu'un fait une reproduction de ce qui m'arrive, j'espère qu'il ne choisira pas pile ce moment-là. Ça m'embêterait d'être immortalisé avec une tête de gogole. Quoique si on reprend le fil de l'histoire, je ne l'aurais pas volé. En plus, il ne fait pas super chaud et je suis à moitié à poil. Quelle galère! Bon, faut être réaliste. Pas un de ces clampins ne va bouger son derrière. Ça, pour jouer les pleureuses, il y a du monde, mais pour filer un coup de main, Tintin. Bon, raisonnons sainement. C'est franchement mal barré. J'ai le choix entre deux attitudes. Crever en les traitant de connards et en les envoyant se faire foutre. Crever en disant un truc vachement fort qui va leur trouer le derche. Une petite chance de passer à la postérité pour les années qui viennent. Pas plus, mais bon, c'est déjà ça. Pas de femme et pas de gosse. À part ma mère pour qui je suis un dieu, ils ne mettront pas longtemps à m'oublier. Ils vont se dépêcher de suivre un autre contestataire qui se sera fait avoir par l'autre trouduc. Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire qu'ils fassent un peu classe? Putain, ça pique? Pas terrible, je peux faire mieux. Un truc un peu mystérieux qui fasse croire que j'ai tout compris. Compris? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas mal, pas mal du tout. Oh merde, voilà un autre abruti avec une lance qui me transperce le foie. Putain, ça pique vachement !»